Tartuffe, en fait, réussit à retourner la situation à son avantage. Si bien qu'Orgon, non seulement chasse son fils Damis, mais annonce en outre que le soir même, Tartuffe sera son gendre et qu'il va immédiatement faire à Tartuffe donation entière de ses biens. Elmire est alors obligée de demander à Tartuffe un second entretien privé. Mais, pour qu'Orgon puisse enfin se rendre compte lui-même de la réalité, avant l'arrivée de Tartuffe, elle fait cacher Orgon sous une table, dans la pièce où Tartuffe vient la rejoindre.